Merci d'être à l'écoute de la radio Isanganiro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal à langue française. Et tout d'abord, les titres. Rassemblement du parti Prona entre le camp Évariste Ngaïmenda et celui d'Olivier Nkurunziza. Selon les membres de ce parti, le but est de redynamiser le parti de Rwagasore. Le gouvernement a le devoir de mener les actions rendant le journaliste est plus aisé. Propos de Thierry Kitamoye, assistant du ministre de la Communication. Et les caféiculteurs de la province Kayanza demandent la hausse des prix du kilo de cette culture. Vous l'entendrez dans ce journal. Et mise en onde, Innocent Bibonimana à la présentation, Jean-Marie Mayonga. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page politique et le parti Parrainin demande qu'il aurait un monument de feu président Jean-Baptiste Ebagaza en tenant compte sur les activités réalisées par ce feu président. Zeno Nimuona, président du parti pour le redressement national inauguré par Jean-Baptiste Ebagaza, l'annonce ce jeudi avec les journalistes lors de la commémoration de la 7e année de la mort du feu président Jean-Baptiste Ebagaza. Suivez-le. Aujourd'hui, on est à 7 ans. Nous profitons de l'occasion pour remercier très sincèrement le gouvernement de la République du Burundi de cette époque, dirigé par son Excellence, feu président Nkurunziza Pierre, qui a organisé des obsèques nationales à son endroit et a témoigné personnellement du rôle joué par le président Ebagaza dans le décollage de ce pays. Très dernièrement, à l'occasion du Forum national pour le développement économique organisé en date des 20 et 21 avril 2023, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, l'a répété en disant que si le pays avait continué sur la lancée du président Ebagaza, le pays serait actuellement très loin en matière de développement. Depuis le premier anniversaire de sa disparition jusqu'à nos jours, le Parti pour le redressement national et Parrain Imbogora Burundi n'a jamais cessé de réclamer un monument pour lui. À l'occasion du 7e anniversaire de sa disparition, le Parti pour le redressement national et Parrain Imbogora Burundi le réitère encore une fois. Continuons ce journal par la page de communication. Le gouvernement a le devoir de mener les actions rendant le journalisme mais plus aisé. Propos de l'assistant du ministre de communication ce mercredi lors de la célébration de la journée internationale et de la liberté de la presse. Thierry Kitamoya rappelle que la presse a un rôle incontournable dans le développement du pays. Suivez Thierry Kitamoya. De la part du gouvernement burundais, nul n'ignore le pas déjà franchi en matière de promotion de la liberté de la presse. L'on citera ici les chantiers en cours visant à améliorer et à renforcer le cadre légal régissant le secteur pour relever tous les défis qui s'opposeraient à cette liberté. L'on citera également l'engagement du gouvernement à améliorer et à soutenir le travail des médias, surtout par l'engagement du chef de l'État, Son Excellence, le général-major Évariste Ndayishimiye, qui a déjà confirmé que les médias sont incontournables dans le développement quand il a mis en évidence le rôle particulier des médias par cette litote « Jamais sans les médias » qui est une forme simplifiée utilisée pour amplifier sa conviction profonde de l'apport des médias pour le développement global du pays. Les différents apports du gouvernement et de nos partenaires au développement visant à renforcer techniquement et professionnellement les médias prouvent également cette évidence de façonner la presse libre au Burundi. Le parcours vers la liberté est un chemin continu. Il importe pour nous tous de continuer à mener une véritable réflexion sur les actions et sur les initiatives concrètes à engager pour soutenir et promouvoir la presse, la liberté d'expression et la sécurité des journalistes ainsi que le développement des médias. Il importe également aux journalistes de profiter de toutes ces initiatives pour jouer pleinement leur rôle. De la part du gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias, dont parmi les rôles lui confiés figurent la promotion des médias burundais et en étroite collaboration évidemment avec ses partenaires, a le devoir de continuer à mener des actions qui vont rendre plus aisé le métier de journalisme. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h passé de 1 minute et le journal continue. Diminution de la production du café cette année à une échelle de 50% sur 21 stations de lavage de pulpage de l'ODECA région Kayanza comparativement à la production obtenue l'année passée. Propos de Nibitanga Félicien, le superviseur qui fait savoir que le retard des fertilisants et certains caféiculteurs qui ont relâché dans l'entretien de leur champ café-école sont certaines des causes de la chute de cette production. Les caféiculteurs à Kayanza, de leur côté, demandent que le prix du kilo du café soit revu à la hausse, vu selon eux la flambée des prix alimentaires au marché. Patrick Saint-Guillaume. Ces 21 stations de dépulpage qui sont sous le contrôle de l'Office pour le développement du café du Burundi, région Kayanza, sont implantées dans des communes comme Kayanza, Busiga et Bouké, selon Félicien Nibitanga, superviseur de l'ODECA région Kayanza. Il indique que cette année, la production du café ne sera pas satisfaisante comparativement à celle obtenue l'année passée. Là, il donne l'exemple de la production déjà collectée qui est encore comptée à 805 tonnes alors que les prévisions étaient une production estimée à 5000 tonnes. Félicien Nibitanga voit que la production du café cette année serait entre 3000 et 4000 tonnes au moment où l'année passée, on avait obtenu dans l'ODECA région Kayanza une production de café de 7000 tonnes. Parmi les causes de la diminution de la production du café cette année à Kayanza, le superviseur au sein de l'Office du développement du café du Burundi région Kayanza cite le retard des fertilisants des caféiers et le relâchement de certains caféiculteurs vis-à-vis de l'entretien de leur plantation caféicole. Bien que Félicien Nibitanga tranquillise les caféiculteurs que le gouvernement burundais projette de revaloriser la culture du café, le caféiculteur lui-même, des caféiculteurs à Kayanza déplorent le prix fixé à la vente d'un kilogramme de café cerise, une culture industrielle. Selon eux, le gouvernement burundais devrait revoir à la hausse le prix du café, vu la hausse des produits alimentaires au marché. Sinon, selon eux, les jours à venir, il n'y aura plus beaucoup de plantations caféicoles. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsingi. On va quitter la province de Kayanza pour nous rendre dans la province de Cibitoke où certaines femmes de la commune Mugina de la province de Cibitoke dénoncent le comportement discriminatoire à leur égard qu'elles qualifient de violence économique quant au revenu de la banane. Ces femmes disent que leur mari s'approprie de l'argent issu de cette culture. Des fois, leurs conjoints hypothèquent les bananeries à leur insu, déplorent ces femmes au sein de l'administration de ces communes. L'on sensibilise aux hommes ayant ce comportement au changement de mentalité. Le point avec Ngabire de Horeb. Ces femmes expliquent qu'elles travaillent énormément pour le bananier, mais cela montre qu'elles sont privées de l'argent qui provient de la vente de ce dernier. À l'origine de la mésentente, l'utilisation des revenus familiaux au détriment de l'intérêt familial. Ces femmes de la colline Luziba, en commune Mugina, disent qu'il arrive même que leur mari hypothèque ses cultures sans leur consentement, ce qui ralentit le développement familial. Elles trouvent qu'ils devraient se mettre d'accord pour élaborer ensemble des projets pour l'intérêt du foyer. Ces femmes s'indignent qu'elles ne jouissent pas également des revenus tirés de la bière de banane produite. Elle plaide pour la prise en compte du respect du droit économique des femmes. L'administration communale de Mugina indique que ce problème peut entraver le développement familial et celui d'autres domaines en général. Jean Hunzimaana, conseiller chargé de l'administration et des affaires sociales, explique que la commune prévoit des séances de sensibilisation des hommes en matière des droits économiques de la femme. Le bananier est considéré comme une culture de base chez la population de la commune Mugina, comme l'indiquent les administratifs de cette commune. Do Rebe Ingabire. Le rassemblement du parti prenant ce mercredi entre le camp Ngaïmenda Evariste et ses alliés et celui d'Olivier Nkurunziza reconnu par le pouvoir de Gitega. Les membres de ce parti précisent que le but est de redynamiser le parti de Rwagasore. De son côté, Evariste Ngaïmenda révèle que le choix de ce rassemblement est motivé par deux points essentiels dont la responsabilité civique de l'UPRONA. Le point avec Moïse Misago. Après plus de 13 mois de négociations, ces dernières ont abouti à un rassemblement des Badasigana. Le président de cette formation politique, Olivier Nkurunziza, salue l'étape franchie et précise que le but est de redynamiser le parti de Rwagasore. La véritable cause de ce rassemblement, c'est l'amour du parti prenant. Tous les partis prenants de ce rassemblement sont mis d'accord qu'effectivement les divisions qui ont caractérisé les organes du parti n'ont avantagé aucune partie. De son côté, professeur Evariste Ngaïmenda évoque le choix de ce rassemblement par deux points, dont la responsabilité civique d'Oliprona. Pour lui, la régression du Burundi peut être mise en parallèle avec la régression d'Oliprona. Et de ce constat, il est sorti la conviction qu'il était plus porteur qu'on se remette ensemble. La deuxième raison, c'est qu'on est parti du rôle et de la responsabilité historique du parti Prona, partant du rôle qu'il a joué par rapport au processus d'acquisition à l'indépendance et par la suite dans la gouvernance du pays. Plus d'un observateur de la vie politique burundaise, la régression politique du Burundi peut être mise en parallèle avec la régression du parti Iprona. Quant à une probable dislocation dans l'avenir, ces deux leaders placent leur confiance dans la volonté des membres du parti Iprona. Olivier Nkurunziza assure la présidence de ce parti. La garantie que nous donnons aujourd'hui, d'abord, c'est cette volonté. Nous avons vu, parce que nous avons discuté au fond et en large, les causes profondes qui ont poussé que dans les différentes années qui ont passé, que le parti Prona soit divisé de cette manière. Et nous avons décidé d'une façon irréversible que le rassemblement de Bazilasgan doit être effectif. Même point de vue du professeur Ngaïmenda, qui est optimiste en leadership de leur formation politique et sa capacité de résoudre les problèmes. De mon point de vue, quel que soit le moment auquel surviennent les dissensions, je crois que c'est la capacité du leadership des partis ou de toute autre organisation qui fait que ce leadership soit capable de trouver des réponses adéquates aux problèmes qui sont posés. Ce n'est donc pas le moment auquel surviennent les difficultés, c'est tout simplement la capacité, la détermination du leadership à résoudre les problèmes dans l'intérêt de tout le monde et surtout dans l'intérêt de l'organisation dont ils ont la charge. Une dissension entre le camp Ngaïmenda Evariste et ses alliés et celui d'Olivier Nkurunziza, l'Iprona institutionnel, venait de durer 12 ans. Lebada Sigana appelle les responsables des partis politiques désunis à emboîter le pas franchi par l'Iprona. Le pouvoir de Gitega convie les partis politiques ayant les mêmes programmes à se réunir. Merci à Moïse Missa Gopage, infrastructure et l'avenir de la République. Une route séparant les quartiers Nyakabiga 2 et 3 en commune urbaine et de Mukaza est défectueuse ainsi qu'une partie de l'avenir de l'imprimerie. Les piétons et conducteurs de véhicules demandent tous la réhabilitation de cette route. Suivez-le au micro baladeur de Mireille Kanyang. C'est pas très facile pour quelqu'un qui est en train d'obstiner dans une route où il y a beaucoup de fossés qui contient beaucoup d'eau. Lors de la trajet des automobiles, c'est-à-dire que lorsque l'automobile est en train de rouler dans une route, l'eau ça bouge dans des fossés. On sent en fait d'être bien pour cette eau. C'est très difficile vraiment pour nous. Nyakabiga est un quartier proche de la ville. C'est en quelque sorte le centre-ville. C'est un endroit qui doit être propre. Et il y a une grande circulation. Pour nous, les piétons, ça va mal. Par exemple, un jour, je suis allée dans une fête en cours de route, ici, tout près. Cette eau stagnante dans ces nids de poules m'a mouillée. J'ai dû retourner à la maison pour me changer. Voilà, c'était le micro-baladeur de Mireille Kanyange. Sur ce, Gervain Diho Kubgay, le chef de zone, Nyakabiga, fait savoir qu'il est au courant du délabrement de cette avenue. Il indique avoir transmis cette problématique aux responsables communaux et de l'agence routière du Burundi et appelle les usagers de cette route à prendre son mal en patience, disant que la réhabilitation sera effective avec la disponibilité du matériel. Fin de ce journal à 13h passé de 10 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour la mise en onde. Jean-Marie Mayonga était à la présentation. Bon après-midi. Au revoir.